maître Jedi le ramassa et l'entraîna. Ce gamin savait piloter vachement bien, mais c'était sans compter les midi-chloriens qu'il avait près de lui. Il suivit la route d'Obi et Qui-Gon, mais ça lui causa sa perte. Il devint padawan auprès d'Obi-Wan parce que Qui-Gon a clamsé. Le gamin suivait Obi-Wan en bronchant un peu. Il tomba amoureux d'une sénatrice à l'air triste. Le gamin voulait faire ce qui lui semblait juste, mais pas forcément à l'accord du conseil des Jedi. Quand il perdit sa mère, il entra dans une rage. Le début, ça marche vers les ténèbres, et pour tenter de sauver sa belle du danger, il se tourna vers l'empereur et il devint le seigneur Vador, nouvel apprenti de l'empereur. Il tua tout ce qui lui barrait la route et du bâton Obi-Wan. Il se fit robotiser, il a pu résister et servir son empereur encore 20 ans. Jusqu'au jour où son fils, un type dénommé Luke, le ramena dans le droit chemin. Mais cela tua le gamin et Vador en même temps. Il mourut serein car il est redevenu. Maman voulait qu'il reste. Maman voulait qu'il reste. Maman voulait qu'il reste.